Le lundi 16 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Le Port de Québec tient aujourd'hui une première rencontre d'information publique en lien avec son projet d'agrandissement. Citoyens et groupes sont attendus jusqu'à 20h30 au terminal de croisière. Des représentants de l'administration portuaire sont sur place pour expliquer l'étude d'impact environnemental qui a été acceptée au début du mois par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Mentionnons que le projet Beauport 2020 a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers jours entre appui massif des élus de la région et critiques des citoyens, des inquiétudes sur la qualité de l'air ou encore la présence de pétrole à proximité de la baie de Beauport ont notamment été entendus. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a confirmé la nomination de Pierre Moreau à la tête du Conseil du Trésor. Ce dernier effectue un retour au travail après une absence d'un an pour cause de maladie. Au Conseil du Trésor, il sera responsable des dépenses du gouvernement dans la fonction publique. Le chef libéral n'a annoncé aucun autre changement à son cabinet pour le moment. La culture du viol serait encore bien présente sur les campus québécois. Selon une étude qui sera publiée cet après-midi, une personne sur trois rapporte avoir été victime d'une forme de violence sexuelle dans les universités québécoises. Très attendue, l'étude est basée sur les témoignages de plus de 9000 étudiants et travailleurs dans 6 universités québécoises, incluant l'Université Laval. L'équipe de recherche recommande notamment d'adopter une loi pour instaurer des politiques de tolérance zéro dans les campus. Enfin, une fusillade dans un bar du Mexique a fait 5 morts, dont 2 Canadiens, et au moins une quinzaine de blessés. La tuerie est survenue la nuit dernière dans une boîte de nuit de Playa del Carmen. La responsabilité des cartels de drogue est évoquée, mais non confirmée par les autorités pour le moment. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Neige intermittente et poudrerie par endroits sont attendues à Québec aujourd'hui. Accumulation de 2 cm de neige, ce sera venteux, avec des vents qui souffleront à 30 km/h et rafales à 50 cet après-midi. On attend moins 3, le mercure indique moins 8 degrés présentement sur Québec. Demain, mardi, c'est ensoleillé, moins 8 degrés. Mercredi, moins 4 avec 60% de probabilité d'averse de neige.